personne est venu nous aider. 93 DDD, on est venu pour tout baiser. Personne est venu nous aider, on est venu pour tout péter. Quand on rentre sur la piste, mec, en toi je peux lire toute ta tristesse. Venu déflorer ton business et venger les victimes de l'île de Gorée. Dorénavant nos vies moraux se feront dans des prisons dorées. Avant que je m'arrache, je cracherai sur tous tes discours de sale race qui nous mettent des barrages. Tu voulais savoir si on était dead? Tu voulais savoir si le noir était bête? Non, moi je paie toutes mes dettes, moi je t'arrache toutes tes ailes. Si tu comptes toi mes ennemis et critiques mes amis. DDD, personne n'est venu nous aider. Viens pas test où tu te fais mêler. Sale pute cloquée, je te conseille l'IVG. Trop de verges pour un derge, trop de prêtres pédophiles qui nous sermonnent. Mon rap rayonne dans les cieux comme cette bombe ricaine qui tue à tous ces hommes. Moi je prends le désordre, moi j'écoute nos hommes. Moi je nique la loi des hommes, j'ai pas vu tes anges moi. Le diable ricane dans son coin nous faisant vivre la dynam. Moi je veux des euros, je m'en bats les couilles tes dinars. Oh, pas Timinique, personne n'est venu nous aider. 93 DDD, on est venu pour tout baiser. Personne n'est venu nous aider, on est venu pour tout péter. Tout baiser. Oh, pas Timinique, personne n'est venu nous aider. 93 DDD, on est venu pour tout baiser. Personne n'est venu nous aider.